vers Ispahan par Pierre Loti. À la recherche d'un gîte. C'est un monde, ces bazars d'Ispahan, qui furent à leur époque les plus riches marchés de l'Asie. Leurs nefs de briques, leurs séries de hautes coupoles se prolongent à l'infini, se croisent dans des carrefours réguliers ornés de fontaines et dont leur délabrement reste grandiose. Des trous, des cloaques, des pavés pointus où l'on glisse. Péniblement nous avançons, bousculés par les gens, par les bêtes, et sans cesse préoccupés de nos mules de charge qui se laissent distancer dans la mêlée étrange. Les caravansérails s'ouvrent le long de ces avenues obscures et jettent chacun son flot de lumière. Ils ont tous leur cours à ciel libre, où les voyageurs fument le calion à l'ombre de quelques vieux platanes, auprès d'une fontaine jaillissante, parmi des buissons de roses et d'églantines blanches. Sur ces jardins intérieurs, deux ou trois étages de petites chambres pareilles prennent jour par des ogives d'émail bleu. Nous nous présentons à la porte de trois, quatre, cinq caravansérails, où la réponse invariable nous est faite que tout est plein. En voici un, cependant, où il n'y a visiblement personne. Mais quelle bouche sombre et sinistre au fond d'un quartier abandonné qui s'écroule. Tant pis, il est midi passé, nous mourrons de faim, nous n'en pouvons plus, entrons là. D'ailleurs, nos mules et nos muletiers de Djoulfa, refusant d'aller plus loin, jettent tout sur le pavé, devant la porte, dans la rue déserte et de mauvaise mine, où il fait presque nuit sous l'épaisseur des voûtes. Tout est plein, nous répond l'hôte avec un mielleux sourire. Alors, que faire? Un vieil homme à figure futée qui, depuis un instant, nous suivait, s'approche pour me parler en confidence. Un seigneur qui se trouve dans la gêne, me dit-il à l'oreille, l'a chargé de louer sa maison. Un peu cher peut-être, 50 tomanes, 250 francs par mois, cependant, si je veux voir. Et il m'emmène loin, très loin, à travers une demi-lieue de ruines et de décombres, pour m'ouvrir enfin, au bout d'une impasse, une porte de verre moulu qui a l'air de donner dans un caveau de cimetière. Oh, l'idéal demeure. Un jardin, ou plutôt un nid de roses, des rosiers lancés haut comme des arbres, des rosiers grimpants qui cachent les murailles sous un réseau de fleurs, et au fond, un petit palais des mille et une nuits, avec une rangée de colonnes longues et frêles, en ce vieux style persan qui s'inspire encore de l'architecture achéménide et des élégances du roi Darius. À l'intérieur, c'est de l'Orient ancien et très pur, une salle élevée qui, jadis, fut blanche et or, aujourd'hui, d'un ton d'ivoire rehaussé de vermeil mourant. Au plafond, des mosaïques en très petites parcelles de miroirs, d'un éclat d'argent terni, et puis des retombées de ces inévitables ornements des palais de la Perse, qui sont comme des grappes de stalactites ou des amas d'alvéoles d'abeilles, des divans garnis d'une soie verjade, aux dessins d'autrefois imitant des flammes roses, des coussins, des tapis de Kerman et de Shiraz. Dans les fonds, des portes aux cintres comme frangées de stalactites donnant sur de petits lointains où il fait noir. En tout cela, un inquiétant charme de vétusté, de mystère et d'aventure. Et le parfum des roses du jardin, mêlé aux senteurs dont ne sait quelles essences de harem dont les tentures sont imprégnées. Vite, que je retourne chercher mes gens et mes bagages, pendant que le bonhomme futé préviendra son seigneur que le marché conclut à n'importe quel prix. Pour moi, étranger qui passe, quel amusement rêver d'habiter une telle maison, cachée parmi les ruines et enveloppée de silence, au cœur d'une ville comme Ispahan. Mais hélas, bientôt j'entends courir derrière moi dans la rue. Et c'est le bonhomme qui me rappelle, effaré. Le seigneur de la gêne refuse avec indignation. « Des chrétiens, a-t-il répondu, non pas même pour 1000 tomanes la journée, qu'ils s'en aillent à Djoulfa ou au diable. » Il est 1h30. À toute extrémité, nous accepterions n'importe quel gîte pour nous reposer à l'ombre et en finir. Dans une maison de pauvres, au-dessus d'une cour, grouillent des enfants loqueteux. Une vieille femme consent à nous louer un taudis, 4 murs en pisé et un toit de branches, rien de plus. Encore désire-t-elle l'autorisation de son père, fort longue à obtenir, car le vieillard est un enfant sénile, aveugle et sourd, et il faut lui hurler longtemps la chose dans les deux oreilles, l'une après l'autre. À peine étions-nous là, étendus pour un peu de repos, une clameur monte et commence à nous troubler. La cour est pleine de monde, la rue aussi, et nous apercevons la vieille femme en sanglots au milieu de gens qui vocifèrent et la menacent du poing. « Qu'est-ce que c'est ? » lui dit-on, « loger les chrétiens, qu'elles rendent l'argent, dehors leurs bagages, et qu'ils sortent sur l'heure. » « Ça, non, par exemple, nous ne sortirons pas. » Je fais barricader la porte, et informer la foule par la voix d'un héros que je suis prêt à subir toutes les horreurs d'un siège plutôt que de descendre. Ensuite, aux deux lucarnes de la fenêtre, mon serviteur français et moi nous montrons, braqués, nos revolvers, après avoir eu soin d'enlever les cartouches pour éviter tout risque d'accident. Les roses d'Ispahan, jeudi 17 mai. Des roses, en cette courte saison qui mène si vite à l'été dévorant, on vit ici dans l'obsession des roses. Dès que j'ouvre ma porte, le matin, le jardinier s'empresse de m'en apporter un bouquet, tout frais cueilli et encore humide de la rosée de mai. Dans les cafés, on vous en donne, avec la traditionnelle petite tasse de thé. Dans les rues, les mendiants vous en offrent, de pauvres roses que par pitié on ne refuse pas, mais qu'on ose à peine toucher sortant de telles mains. Aujourd'hui, dans Ispahan, pour la première fois de l'année, apparition des petits ânes porteurs de glace pour rafraîchir les boissons anodines ou l'eau claire. Un garçon les conduit, les promène de porte en porte, les annonçant par un cri chanté. Cette glace, on est allé la ramasser là-bas, dans ces régions toutes blanches que l'on aperçoit encore au sommet des montagnes. Sur le dos des ânons, les paniers dans lesquels on l'a mis sont abrités sous des feuillages où l'on a piqué quelques roses, il va sans dire. Beaucoup de ces petits ânes sur ma route quand je me rends ce matin chez un marchand de babouches, duquel j'ai obtenu à prix d'or la promesse de me faire entrevoir trois dames d'Ispahan par escalade. Nous grimpons ensemble sur des éboulis de murailles pour regarder par un trou dans un jardin où se fait aujourd'hui la cueillette des roses. En effet, trois dames sont là, avec de grands ciseaux à la main, qui coupent les fleurs et en remplissent des corbeilles, sans doute pour composer des parfums. Je les espérais plus jolies. Celles qui sont peintes sur les boîtes des antiquaires m'avaient gâté, et aussi les quelques paysannes sans voile aperçues dans les villages du chemin. Très pâles, un peu trop grasses, elles ont du charme cependant, et des yeux de naïveté ancienne. Des foulards brodés et pailletés enveloppent leurs chevelures. Elles portent des vestes à longues basques et par-dessus leurs pantalons, des jupes courtes et bouffantes comme les jupes des ballerines. Tout cela paraît être en soie, avec des broderies rappelant celles du siècle de Shah Abbas. Mon guide, d'ailleurs, se fait garant que ce sont des personnes du meilleur monde. Pierre Loti.